Sans qu'il faut. Bon, je sais qu'est-ce qu'on comprend. N'oublions pas aussi les recommandations faites par Luqman à son fils, lorsqu'il dit وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقيم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تسعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضب من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير ici lorsque notre méditation fait en exhortant oh mon fils ne donne pas d'associé à Allah car l'association est vraiment une injustice énorme. Nous avons commandé à l'homme la bienveillance envers ses pères et mères, sa mère la porter, peine sur peine. Son ouvrage a lieu à 2 ans, ou jusqu'à 2 ans. Sois reconnaissant vers moi, ainsi qu'envers tes parents, vers moi et la destination. Et si tous deux se forcent à m'associer dans ce dont tu n'as aucune connaissance, alors ne leur obéis pas, mais reste avec eux ici-bas de façon convenable, et suis le sentier de celui qui se tourne vers moi. Vers moi ensuite et votre retour, et alors je vous informerai de ce que vous faisiez. Ô mon fils, fût-ce le poids d'un grain de moutarde, au fond d'un rocher, ou dans les cieux ou dans la terre, Allah le fera venir, dans l'Yom al-Qiyamah, le jour du jugement dernier. Allah est infiniment doux et parfaitement connaisseur. Ô mon enfant, accomplis la salate, commande le convenable, interdis le blâmable, et endure ce qui t'arrive avec patience. Telle est la résolution. Apprends dans toute entreprise et ne détourne pas ton visage des hommes. Ne te fasse pas ne sois pas orgueilleux et ne foule pas la terre avec arrogance, car Allah n'aime pas les présomptueux pleins de glorioles. Sois modeste dans ta démarche et baisse ta voix, car la plus difficile des voix, c'est bien la voix des âmes. Ainsi, Luqman apprend à son fils la prière et lui forme le caractère. Mais n'oublions pas qu'avant le verset ou les versets que nous avons lus, il y a 3 et tawhid. On revient toujours à la base, à l'aqida. Ya bunayya la tushrik billah, inna ash-shirka la dhulmun 'azim. Oh mon petit, oh mon enfant, oh mon fils, n'associe rien à Allah, car l'associationnisme est vraiment une injustice énorme. Et cela est logique de commencer par poser des bases saines, un amour et une confiance totale en Allah, sans déviation. Les associations, et en d'autres termes, il faut inculquer à son enfant une bonne aqida. Une bonne aqida, il n'y a pas de secret. Un tawhid parfait, exempté de tout shirk, qui permettra à l'enfant et au futur homme ou à la future femme d'accomplir correctement ses différentes obligations religieuses et pour pouvoir les enseigner à son tour. Ainsi, durant cette tranche d'âge, il faut éduquer son enfant religieusement, lui apprendre l'amour d'Allah et de son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. De 14 à 21 ans. Puisque l'islam forme les caractères et que cette tranche d'âge est une phase de transition, d'invitation, de transformation. Et l'enfant commence à entrer doucement dans l'âge adulte. Il doit normalement, suivant les conseils donnés précédemment, être un jeune épanoui, une jeune épanouie dans sa religion. De plus, il ne faut pas oublier que devant Allah, il est maintenant responsable. Et ses actes lui sont comptabilisés. Ça y est maintenant. À partir de la puberté, il est mukallaf. Il est responsable de ses actes. وَلَا تَذِرُ وَازِرَةً وِزْرَ أُخْرَى. Chacun est responsable de ses actes. Et à chacun son fardeau. Les parents doivent agir avec eux comme des amis, des conseillers, des confidents. Après cela, il faut agir à leur vie. Et si tu veux dépasser la vingtaine, ça y est, ce sont des termes. Laisse le faire. Bien sûr, quand on dit laisse le faire, faut conseiller toi aussi. Toi, tu ne vois pas quelque chose, une aouja, de travers, tu ne dis rien du tout. Non, tu le remets quand même sur le droit chemin, tu expliques les choses de la vie parce que tu as de l'expérience. Tu es plus âgé, tu as du vécu. Tu n'en as pas, tu as de l'expérience de la vie. Tu dois expliquer ces choses-là. Mais s'il t'obéit, t'obéit, s'il t'obéit pas, ça y est. C'est lui le responsable, mon Allah, Yom Kiyama. Le jour du jugement dernier, c'est lui le responsable. Là est la grandeur de l'islam. Et la récompense d'une éducation réussie. À ce stade, l'enfant n'est plus un enfant, mais un homme et une femme qui connaît sa religion, la pratique. La pratique, c'est bien sûr, on lui a enseigné. Mais si on l'a laissé dans la nature et elle est seule durant cet âge-là, ben, je ne sais pas s'il va la mettre en pratique, sa religion. Mais nous, on se bat pour celui qui a éduqué ses enfants correctement. Donc à ce stade-là, l'enfant n'est plus un enfant, mais un homme ou une femme qui connaît sa religion, la pratique, et qui a un caractère bien ferme et des qualités de droiture qui le permettront de se débrouiller dans la vie et de devenir à leur tour des bons parents. Qui la permet quand ils deviennent à son tour parents. Ils feront alors le bien et sauront se comporter en toutes circonstances. Ainsi, si les parents arrivent à donner le bon exemple, rappelant souvent la parole de Dieu et la sunna du prophète, s'ils peuvent leur inculquer une discipline stricte et juste, les récompenses parfois de leurs efforts sans oublier une bonne éducation physique, comme l'a dit le prophète dans un hadith, المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. Le croyant fort est meilleur et plus aimé par Dieu que le croyant faible. Mais en tous les deux, il y a un bien rapporté par Moussoul. L'enfant pour l'éduquer. Faut lui donner quelque chose pour se distraire. Donc si tu ne lui donnes pas quelque chose à l'intérieur, il va chercher à l'extérieur. C'est la première des choses. Si tu ne lui donnes pas à l'intérieur ce qu'il recherche, il va chercher par à l'extérieur. Et puis en plus de ça, des fois comme nous, dans nos maisons, on a grandi dans des petits bocaises, une pièce, dans des endroits petits, on a besoin de s'extérioriser, donc de faire un sport. Parce que oui, inscris-le dans une salle de sport, je sais pas, dans le karaté, comme il nous l'a dit Omar ibn al-Khattab aussi dans un hadith, ici, apprenez vos enfants la natation et l'équitation par exemple. Bon, la natation, vous m'avez compris, c'est pas l'endroit idéal pour apprendre la natation. Mais quelque chose pour le défouler. Pour reprendre le hadith qu'on vient de citer ici, on va le prendre entièrement. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفته عمل الشيطان. Hadith Marawahu Ahmed et Moussoum Abdi Majah. Dit dans ce hadith-là, comme on a dit, le croyant fort est meilleur et plus aimé par Dieu que le croyant faible, mais en tous les deux, il y a un bien. Fais en sorte que tu ne fasses que les choses qui te soient profitables. Et demande toujours la protection et le secours d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa la ta'ajiz, wa la ta'ajiz, wa la ta'ajiz. Ne sois pas ta'ajiz. Tu ne précipites pas. Non, c'est pas précipité. Sa'adil. Mil'adil. On va pas dire. Même si tu es éprouvé par une chose. Salat akul. Mais surtout ne dis pas. Là où il ne fait pas. Barakalaté. Ne te décourage pas. Même si tu es arrivé une chose. Donc une épreuve ici. Salat akul. Ne dis pas. Là où il ne fait pas. Si j'avais fait quelque chose qui me serait arrivé. Walakin. قل قدر الله وما شاء فعل الذي الله أقول فإن لو بأن كلمة لو تفتح عمل الشيطان في نص الرواية تفتح باب الشيطان إلى قصة الشيطان ici on commence à rentrer dans les détails rien par rapport à cette parole-là on rentre après dans le qada et le qadar. C'est-à-dire que tu n'as pas été satisfait de ce que Allah t'a prescrit. ou ce que Allah subhanahu wa ta'ala a prévu. Wa yaqulu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, idha dhukira al-qadar fa amsiku. Quand le qadar, la prédestination est évoquée, fa amsiku tujibu. Qulu amantu billah. Dites, nous avons cru en Allah. Tout à l'heure. Dans un autre hadith qui est rapporté ici, كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزور الأنصار. Le hadith dit aux Ansar, ويسلم على تبيانهم. Il salue les petits, ويمسح رؤوسهم. Il les suit sur la tête. Les petits. هذا من أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم. فأنا نحن من هذه الأخلاق النبيلة. الحديث رابطة عن الصوع ابن حبان. Ce qu'on a à dire sur le bas. Et on va rajouter idafatun ala hada, quelques erreurs à ne pas commettre. Très important. Ils ont des erreurs à ne pas commettre, ne pas les traiter, ni les insulter, ni leur donner de mauvais surnoms. Exemple, al-kalba, wal-shimar, wal-jash, wal-afrit, wal-ghul. Après, quand tu vas dire, pourquoi tu dis ça à tes enfants? Ah, oh, je fais juste la haine. C'est pour justement éviter que les mauvaises ailes les appellent. Ah, mais ils déconnent. T'as pas tes enfants avec des démons comme ça? Quand tu les insultes, tu les traites? Comment ils vont grandir tes enfants? Ils vont grandir, ils auront des vices dans la bouche de l'insulte. C'est tout ce qu'ils ont appris. La première raison. Deuxième, ne pas leur faire peur inutilement. Qu'est-ce que ça veut dire? Surtout lorsqu'ils pleurent. Pour le faire taire. Un enfant, ici, il pleure. Ah, attention, le docteur, il arrive à faire une piqûre. Il va venir à faire une piqûre. Ah, c'est fini, tu es revoqué chez le docteur. À chaque fois, tu me vas m'attacher, c'est pas la tête, c'est la piqûre dans sa tête. Si tu ne peux pas, je te mets sur le dentiste. Avec la roulette, tu vas t'enlever tes dents. Ah, enfin, il y a des choses comme ça. Il va dire, ah, attends, il y a le chien, il va venir à venir. Des choses de ce genre-là. Ça se passe. Ah, si tu ne dors pas là, il dit que le rôle. Il dit que le barbe. Hein, là ? C'est quoi ça ? Ça, c'est pas. C'est que ce sont des erreurs à ne pas faire, à ne pas commettre. Et c'est très important aussi. Ne jamais leur mentir. Jamais mentir aux enfants. Si tu as promis une chose, tu dois tenir à ton engagement. Si tu t'achètes ça, tu l'achètes. Tu l'appelles pour lui donner quelque chose, tu lui donnes. Ne jamais mentir aux enfants. Lorsque tu leur apprends, c'est ce qui va sortir. En leur promettant quelque chose et en ne leur donnant pas. Tu leur promets, tu ne donnes pas. Ah ben là. Même les juifs, ils donnent haram. Ils vont donner haram, même les juifs. Avec le jibb. Mais haram au rasoul, sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce qu'ils vont apprendre deux choses. Ils apprendront comme cela le mensonge et le dit. Le mensonge, c'est quoi? Si tu leur as promis que tu allais lui donner quelque chose, tu l'as pas fait. Et le vice, c'est que tu l'as arnaqué. Voilà. Ton enfant, il joue en bas dans la cour, la chaya au mec. Ah, tu l'as rien dit, n'a plus de chaya. Ah, tu l'as rien dit, n'a plus de chaya. Ah, je te le fais qu'un. Bon, il t'a. Il monte et tout, tu fermes la porte. Ah, depuis tout à l'heure, je t'appelle, tu viens pas. Alors, on a fait très, c'est ce qu'il veut te donner. Là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui appelle son enfant en lui promettant quelque chose puis ne lui donne rien, commet-là un mensonge. C'est un mensonge, rapporté par Ahmed. Une chose très importante aussi, dans l'éducation des enfants. Ne pas céder à la facilité en leur accordant tout ce qu'ils veulent, par caprice. Ton enfant il vient, il fait un caprice, tu cèdes. Non, tout ce qu'il fait un caprice, que tu vas lui donner avec un. Alors est-ce que tu arrives avec? Ah tiens, donne-lui un nombre, donne-lui ça. Il faut que le sens c'est qu'il se cède. C'est pas bon non plus. Ou encore, ne pas négliger la récompense. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Surtout s'il fait des efforts dans la religion. Un exemple, il fait des efforts dans la religion, il fait un jour de jeûne du mois du Ramadan. Tu lui fais un cadeau. Lui, il est content, il n'a pas oublié ça. Il n'a pas oublié. À 7 ans, 8 ans, il fait un jour de jeûne ou deux jours de jeûne. Il fait être content, tu lui offres un petit cadeau. Ou bien par exemple, il apprend une sourate du Coran, ou il apprend quelques articles du Coran, selon la sourate. Tu lui dis voir que t'es content. juste un petit cadeau. Même si au début, il croit qu'il a fait ça pour le cadeau, il comprendra plus tard. Parce qu'après, les enfants, ils disent, ah, c'est bon, il va apprendre encore, je vais avoir un autre cadeau. Tu lui fais un deuxième petit gâteau, un deuxième petit cadeau. Troisième fois, tu ne lui fais pas, tu lui expliques. C'est ça, tu pourras aller là, pour qu'elle soit contente de toi, pour qu'Inch'Allah, quand tu vas prendre les gens correctement, tu rentreras en parler, etc. Donc ça, c'est la récompense qu'on ne peut pas négliger aussi. Une autre chose, donner l'importance en marquant le coup. Qu'est-ce que ça veut dire? Ici, on vit surtout l'A'yad. L'A'yad al-Fitr, bien l'A'yad al-Adha. Les deux rites des musulmans qu'on a. Eh bien, à ce moment-là, il faut marquer le coup. Par exemple, les enfants, surtout quand, dans les pays européens qu'on voit, la Noël, Pâques, ceci, cela. Toi, tu lui dis non, la Noël, c'est pas notre fête. Mais nous, notre fête, c'est l'A'yad. En fait, quand l'A'yad arrive, tu fais des cadeaux toi aussi. Tu fais des cadeaux. Il attendra plus que Noël. Il dit, ah, la peine, on a notre fête. Dès que l'A'yad arrive, il est sympa, il attend son cadeau. Tu marques le coup, tu donnes l'importance à cette journée-là. Tu lui fais voir la valeur de ce jour-là. C'est pas la vie, bien et tout, tu fais la joie avec tes frères et sœurs ou la famille, tu t'occupes pas ton enfant, c'est normal. Et pour toi, c'est normal. Pour lui, non. Il voit Noël pour les autres. Il voit la Toussaint. Il voit Pâques. Il voit des cadeaux, les enfants, ils reçoivent des cadeaux et tout. Et lui, il viendra un jour dire papa et tout, non, ça, c'est triste, c'est malheureux, il n'y a pas de cadeau, il n'y a rien. Mais c'est un cadeau. En plus de ça, une chose qui est très bien, par exemple, d'organiser, par exemple. Une rencontre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette journée-là, il n'est pas obligé d'attendre l'aide, par exemple. Voilà. On n'attend pas l'aide. On dit cette journée-là, on va la réserver spécialement aux enfants. On sait que le frère Nabil, il a des enfants. On sait que le frère Nabil, il a des enfants. Le frère Nabil, il a des enfants. Tout ça, tout ça. Bon. On sait que cette journée, il va y avoir les enfants de l'un tel, les enfants de l'un tel, les enfants de l'un tel. On achète des cadeaux. Et on les fait venir. Les femmes, elles font des gâteaux. Des cadeaux, des ballons, du tout, des ballons de bruche, là, tu les gonfles un peu partout, dans des grandes pièces. Allez, jouez les enfants. Les amis s'en vont, ils vont faire ce qu'ils ont à faire. Tu laisses les 20 enfants. Et chacun reçoit son cadeau. Quand il y a cadeau, il ouvre, il est content. Fahan! Quand tu vois la joie dans le dîner des enfants, ton cœur, il est content. Ton cœur, il est content. Surtout quand tu vois les enfants d'âge à 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans. Ils sont contents. Mais nous, ce qu'on nous fait, ah non, ça fait arrêter le couffard, ça fait le couffard, tu non, c'est pas ça. On est toujours négatif. Toujours, ah, ça c'est pas pour nous, ça c'est pas pour nous. Non, rien n'empêche. On te demande pas de faire des cadeaux de 2005, décembre. Tu fais des cadeaux un jour comme ça, t'as dans ta tête, voilà. J'ai envie de faire des cadeaux. Je vais organiser un petit truc, j'ai envie de tel frère, qui ont des enfants, et hop. Tu vas faire des gâteaux, de la boisson, des cadeaux, ils ont. Ils sont contents, les enfants. Une chose aussi très importante, ne pas négliger de les sortir et de les laisser un peu s'extérioriser. Des fois, on a trop tendance à. Non, ils restent à la maison, c'est mieux. C'est pas obligé de les faire sortir dans les rues de Paris. Tu peux les faire sortir dans une forêt, dans un bois de Vincennes, château de Vincennes, un parc, un zoo, on a des choses comme ça. Mais tu les fais sortir un petit peu, ça leur fait du bien. Ils ont besoin, les enfants. Aussi, ne pas faire des doigts contre soi-même, ou contre sa propre famille, ou ses propres enfants, surtout quand on est en état donc de nervosité, quand on a des nerfs. Faire des doigts contre soi-même, contre ses enfants. Et ce n'est pas vrai, c'est transmettre aux mères. Pourquoi? En général, les enfants, ils sont toujours avec la mère. Dès qu'il arrive une chose, Allah yafik al-mout. C'est vrai, direct, oui. Allah yafik al-bomba. Allah yafik son obus de bachtik. La hawla wa la quwwata illa billah. On les entend comme ça, on les doua. Contre leurs enfants, quand les enfants, ils vénèrent les mères. Comment on entend des choses comme ça? Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith, قال صلى الله عليه وسلم لا تدعوا على انفسكم ولا تدعوا على اولادكم ولا تدعوا على اموالكم لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لهم. C'est ça que maman, Allah subhanahu wa ta'ala, il s'agit de dua. Il faut que tu t'en fasses un dua contre ton fils ou ta fille parce que tu as énervé, et puis Allah subhanahu wa ta'ala, il s'agit de dua. Après lui, par exemple, Inch'Allah, tu te gagnes les escaliers. Un jour, c'est passé, une semaine, deux semaines, il te gagnes les escaliers à l'accident. Il te dit, ah, mais tu es où, Qu'est-ce que c'est? Mais là, elle a oublié qu'elle avait une doua auparavant. Elle, ou lui, hein. Elle a oublié qu'elle avait fait une doua auparavant. Mais c'est sa doua qui a été exaucée. C'est sa doua qui a été exaucée ici. Non, qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Tu l'as voulu ou pas après? Une fois qu'il est handicapé, tu vas faire. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? C'est ça de dire contre ses propres enfants. Ou contre soi-même, là. Des fois, par exemple, tu as raté quelque chose dans la vie, tu fais des dire contre toi-même. En regrettant d'être sur terre. Et quand jamais, tu te fais bénir. Si c'est vraiment, je t'ai pas vu sur terre. C'est quoi? Là, il m'a créé, ceci, cela. Une chose aussi très importante, lors d'une chute d'un enfant, une petite chute, hein, bien sûr, s'il tombe au troisième étage, on ne va pas réagir comme ça, mais une petite chute, il est tombé ou là, il faut savoir que sa réaction dépendra de celle de ses parents. L'enfant, quand il tombe, sa réaction va dépendre de quoi? De la sienne. Si toi tu viens et tu commences, tu vois un petit peu de sang, ah, mais puis, je dis, qu'est-ce qu'il y a, mon fils? Toi, le sang est cool et tout. Tu commences à pleurer, ou tu te dis, mes cheveux, comme la première femme, elle se grise partout, elle se déchire. Et... l'enfant, il va crier, il va pleurer, ça y est. Il va grandir dans la peur. Ou bien il tombe, et là, comme l'arme, il va pleurer. Non, il tombe, tu le prends comme si de rien ne s'était passé. Normal, à lui. Il tombe une fois, deux fois, trois fois, après il comprend. Mais il tombe, ça y est, tu. L'arme. C'est normal. Normal. Il est tombé, tu le prends, tu le consoles, tu rigoles, oh, c'est rien, oh, t'as fait le canicasse, toi. Tu rigoles avec lui. Mais si toi tu viens et t'es effrayé, que t'as peur, t'es angoissé, tu cours dans la pièce, à droite, à gauche, tu dis, ah ben l'enfant, il dit, qu'est-ce qui se passe? Lui-même, il va avoir peur. C'est très important. Donc sa réaction dépendra de celle des parents. Une chose aussi très très importante à savoir. Surveiller ses paroles et ses gestes. Devant l'enfant, car il enregistre tout. Ça, on vous le dit, les frères, pour ceux qui n'ont pas d'enfants. Pour ceux qui ont des enfants, ils ont vu voir cette chose-là. Mais ceux qui n'ont pas d'enfants. Les enfants, ils enregistrent tout. Tout ce que tu dis. Et tout ce que tu fais, ils enregistrent. Et tout, ou pas, ça sortira. Alors, si tu fais des gros chiffres devant l'enfant, ou tu fais des gestes qui ne devraient pas être faits devant l'enfant, tu t'aimes pas si un jour l'enfant se sort. Tu t'aimes pas. C'est parce que toi, tu l'auras fait, tu l'auras fait. Tu dis des bonnes paroles, en fait, c'est des bonnes paroles que je veux sortir. Une chose aussi très importante, le fait de ne pas respecter le rythme biologique des enfants, et surtout en bas âge. C'est-à-dire quoi? Ne pas respecter le rythme biologique des enfants. Des fois, tu as des pères et mères de famille comme ça, ils voient leurs enfants en bas âge. Et puis, je t'amène, voilà, je suis invité à droite à gauche, et puis la soirée, elle tarde. Jusqu'à minuit, 1h du matin. Bon, toi, tu peux résister, tu as la patience. Mais le corps d'un enfant, il ne peut pas. Lui, il est programmé pour manger à telle heure, il est programmé pour dormir à telle heure. Ça, il faut le respecter. Pour que l'enfant, tu vois, il grandit bien. Toi, tu viens, tu le dérègles. Il est dépoussolé, l'enfant. Alors, un jour, il se couche à 3h du matin, un jour à 11h, une autre fois à 8h, une autre fois à 1h du matin, et puis c'est déréglé. Non, l'enfant, il a un rythme biologique. Il est réglé pour manger à telle heure, il est réglé pour dormir à telle heure. Faut respecter cette chose. En multipliant les invitations à droite à gauche. Tu multiplies les invitations à droite à gauche, en bas l'enfant, il est debout sur le chabbat à gauche, le chabbat là où il finit, le chabbat. Une chose aussi, de s'éloigner trop longtemps, ou sans raison valable, tu pars en voyage. Trop longtemps, ou bien quand tu reviens, tu es toujours en vadrouille, tu sors le matin, l'enfant il dort, tu viens le soir, il est en train de dormir, et tu repars le matin, ainsi de suite. Et puis tu ne vois pas ton enfant. Tu ne donnes pas d'importance à ton enfant. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut respecter. Une chose aussi, un jeune enfant, ça c'est très important. Parce que des fois, on a toujours tendance à vouloir enlever les enfants. Un jeune enfant oublie vite. L'enfant s'oublie vite. Il fait une bêtise à la tête. Dans 5 minutes, il va l'oublier sa bêtise. Il va oublier la chose qu'il a faite. Donc, si tu oublies vite, un jeune enfant, il n'a pas la notion de continuité de l'adulte. Pas comme l'adulte. L'adulte, tu vois, il a toujours notion, il sait. L'enfant a été une bêtise, mais après, c'est fini. Il peut oublier ce qu'il a fait la veille. Il a fait le soir, le lendemain, il a peut-être oublié. Donc, si par exemple on veut aussi, ça c'est très très important, quand il faut le punir, il faut le faire immédiatement. Quand on veut punir un enfant, il faut le faire immédiatement sur la faute qu'il a faite. C'est pas qu'il va se passer la chose après, mais après tu viens l'engueuler. Donc voilà pour ce DAF-là, on a complété avec quelques erreurs à ne pas commettre. Inch'Allah, j'espère que ce DAF sera profitable pour tout le monde. وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين